prêt pour l'assaut final. Good vibration. L'esprit saint pour aiguiser ma foi. Sagesse et savoir vivre mes deux âmes pour le combat. Fire Babylon, nouvel ordre mondial. Toutes ces illusions qui nous inspirent que le mal. Surmonter les épreuves, faire preuve d'humilité. S'armer de patience pour plus d'humanité. Afin de récolter tous les fruits de nos bienfaits. Jamais désespérer, donc en avant désormais. À dire les choses sur du son papa. Oh my god, ne les laisse pas nous détourner. Oh my god, nous on pose sans se prendre la tête, gars. Alors Faya, écoute ça, ferme les yeux, descends-toi et fais le vide. Élève ton âme et vise le haut des pyramides. Ouvre ton cœur et vois le livre des secrets. Consulte-le aux pages des versets de la paix. Bon, nous on va passer, on ne va pas se faire prier. Pousser, repousser jusqu'à ce que Babylone soit tombée. On tient la position, on fera tomber les borgnes au front. On fera rugir nos lions jusqu'à ce que règne la bonne vibration. Seuls les bons seront illuminés. Même amis contraints, seul la foi comptera. Ils pourront pas me contrer, je l'ai signé dans mon contrat. Contre-attaque, on vient ma choppers idole. Live en direct, c'est pas du subliminal. Original soldat, prêt pour l'assaut final. Face aux bonnes vibrations, les Babyloniens dédalent. Avant le premier rôle, car le borgne est là et il avance à grands pas. Charlatan rachète nos âmes et moi je la vends pas. Ils veulent nous asservir pour nous maintenir au plus bas. Les relations humaines chez eux n'existent pas. Ils se servent de nos passions pour nous dominer. Nous plongent dans l'illusion, notre aura ne fait diminuer. Ils agressent de toutes parts et nous proposent le pire. L'amour comme rempart pour préparer l'avenir.